Mais pourquoi veux-tu l'analyser, la quantifier, la catégoriser? Parce que il est encore prisonnier de l'énergie de l'âme, de l'intelligence de l'âme qui veut toujours faire avancer dans le monde matériel l'homme vers des expériences qui sont de plus en plus bénéfiques à elle, c'est-à-dire des expériences qui servent ceux qui ne sont pas prisonniers du corps matériel. Je veux expliquer qu'est-ce que c'est l'âme d'une façon particulière. L'âme, c'est une mémoire. Mais une mémoire, ça n'existe pas par elle-même. Une mémoire, ça doit être composé. Une mémoire, c'est accumulatif. Mais comment se compose une mémoire? Une mémoire se compose toujours par imagination, par image. J'emploie le terme imagination dans un sens particulier, pas dans le sens qu'on parle d'habitude. Une mémoire, ça se compose par imagination. Alors, lorsque l'homme vit une expérience sur le plan matériel, il a son corps qui vit l'expérience, qui enregistre l'émotion de l'expérience, qui enregistre la mentalité de l'expérience. Il a un corps éthérique qui n'est pas totalement développé, qui retient la mémoire de l'expérience. Autrement dit, les quatre parties de l'homme, le physique, l'éthérique, l'astral et le mental, correspond à la mémoire sur le plan de l'énergie. Et cette énergie monte, elle change de plan, elle va sur les autres plans, de sorte qu'elle reste imprimée dans les éthers. De sorte que ce qu'on appelle la mémoire de l'âme, c'est toute cette fantastique et extraordinaire accumulation d'expériences de toutes les sortes, pendant des siècles de temps, d'hommes dans une matière avec des principes dont l'expérience est enregistrée sur d'autres plans, sur des plans qui ne vivent ou qui n'existent que par vibration, des plans qui ne sont que des collages de la réalité sur le plan matériel. De sorte que la mémoire de l'âme, c'est la totalité des expériences humaines. De sorte que, quand on parle de la mémoire de l'âme, on veut dire ces personnalités de toutes sortes qui sont liées les unes aux autres depuis des millénaires et qui composent ce qu'on appelle les plans astraux. Alors, dans les plans astraux, vous avez des êtres qui sont sur un plan ou sur un autre ou sur un autre ou sur un autre ou sur un autre. Et ces êtres sont des personnalités, ils ont une forme, ils ont des yeux, ils ont une tête, ils ont des bras, ils ont des ventres, ils ont des jambes. Ils ont du linge ou ils n'ont pas de linge. Mais ce sont des êtres qui sont une réplique parfaite de l'homme. Et ce sont ces êtres-là qui sont en dehors de la matière et qui manipulent sur le plan matériel les sentiments et les pensées de l'homme. Pourquoi? Parce que les sentiments et les pensées de l'homme, vibratoirement parlant, sont en harmonie vibratoire avec ces êtres-là. Autrement dit, sur le plan matériel, on peut dire qu'il y a un homme. Dans l'invisible, dans les mondes de la mort, on ne peut pas dire qu'il y a un homme. On dit qu'il y a une entité. Et quelle est la différence entre un homme et une entité? Un homme, c'est un être qui a le pouvoir d'être. Une entité, c'est un être qui a perdu le pouvoir d'être et qui doit retourner dans le monde de l'homme pour le reconquérir. Autrement dit, une entité, c'est la coque. Une entité, c'est une coque. Une entité, c'est une coque. Et cette entité, cette coque, a le pouvoir de se greffer à l'homme sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Et comment elles le font? Elles le font par la pensée ou par le biais de l'émotion. De sorte que l'homme contient en lui, et rappelez-vous ceci, l'homme contient en lui le monde des morts. Rappelle-toi de ça, Croteau. L'homme contient en lui le monde des morts. Le monde des morts est dans l'homme. Le monde des morts n'existe pas en dehors de l'homme. Le monde des morts est dans l'homme. Dans tous les hommes de la terre, existe le monde des morts. En dehors, autrement dit, si il était éliminé tous les hommes sur la terre, qu'il n'y ait plus un homme sur la terre, le monde des morts serait retransféré sur une autre planète pour qu'il puisse habiter d'autres personnes, d'autres êtres physiques. Ça marche? La raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est parce que je commence et je vais commencer à entrer dans les mystères de la vie. Je vais commencer à expliquer à l'homme ce qui n'a jamais été expliqué à l'homme. Je vais commencer à détruire petit à petit la mémoire de la mémoire de l'âme pour détruire à jamais la fondation de la connaissance humaine et pour éliminer à jamais la tête du sphinx qui, symboliquement sur le plan matériel, est conservée en Égypte aujourd'hui. C'est très important ce que je vous dis, même si ce n'est pas concret. Mais un jour, vous comprendrez. Un jour, vous comprendrez. Ou quelques-uns comprendront. Ou d'autres bénéficieront du fait que dans un temps quelconque, dans un passé quelconque, il y a eu un homme sur le plan matériel qui a parlé pour les hommes une fois pour toutes au lieu de parler pour les morts. Votre personnalité est une expression, est la plasticité même du monde des morts. Les morts forment vos traits, parce que vos traits sont sujets à vos émotions. Vos pensées sont sujets à vos émotions. Vos traits sont sujets à vos pensées. Ce sont des choses que je vous dis d'une façon verbale, que je ne peux pas écrire pour le moment, que peut-être un jour j'écrirai si j'ai le temps. Mais je ne peux pas mettre des livres comme ça dans le marché parce que ça créerait une dépression. Parce que l'homme penserait à ceci. Je ne veux pas que les gens pensent à ce que je dis. Mais ce sont des choses que je vous dis parce que je sais que quand je vous parle, il y a une suspension de toute la patente intellectuelle. Mais je souhaite à tous les hommes d'être heureux comme je le suis. Pas dans le sens que vous l'êtes, mais dans le sens que je le suis. Je sais ce que veut dire être heureux. Pas être heureux dans l'intellect ou être heureux dans l'émotion. Être heureux dans le sens que je suis conscient. Je suis en dehors de la forme. Je suis en dehors du monde de la mort. Je ne suis pas influencé dans ma personne par le monde de la mort. Et n'étant pas influencé par le monde de la mort, ça me permet, moi, en tant qu'homme, de questionner tout ce qui est imposé sur l'homme par le monde de la mort. Et ceci est intéressant comme expérience, parce que ça permet à l'homme, à un niveau quelconque, de vivre sa liberté. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vivre sa liberté? Ça veut dire pouvoir parler librement. Ça veut dire pouvoir agir librement. Ça veut dire pouvoir désengager le matériel de l'éthérique librement. Être libre, ça veut dire beaucoup de choses, être libre. Être libre, ça veut dire exprimer, sur un plan ou sur un autre, les lois de l'énergie indifférenciée. Ça veut dire être capable de reconnaître dans l'instantané la perfection de la lumière, de l'intelligence, de l'énergie, créative, et ainsi de suite. Alors, si je continue, si je dis que les morts existent dans l'homme, je dis beaucoup de choses. Je dis d'abord que l'homme est contaminé, qu'il est un réservoir, qu'il est une poubelle, qu'il est, dans le fond, un sarcophage, qu'il est une momie, à l'intérieur de laquelle existent ces entités. Créées par quoi? Créées par les expériences antérieures d'autres personnalités. Et un jour, ces entités, ces coques, doivent être détruites. Et elles essaieront de toutes les façons possibles et imaginables, de maintenir sur le plan mental et émotionnel de l'homme leur lien avec la matière. C'est pourquoi l'homme de demain devra être extrêmement prudent, c'est-à-dire extrêmement intelligent, c'est-à-dire extrêmement conscient de ses émotions et de son intellect pour ne pas jouer le jeu de ces entités qui, certaines d'entre elles, sont extrêmement intelligentes, beaucoup plus que vous pouvez vous imaginer. Et si l'homme est capable de défier ces très grandes intelligences, à ce moment l'homme devient supérieurement intelligent. Si j'annonce aujourd'hui à l'homme, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, que le monde de la mort est dans l'homme, je dévoilerai d'autres aspects. De ce phénomène. Et je vous ai dit, je n'ai pas commencé à parler. Dans 100 ans, je n'aurai pas commencé à parler. Et si l'homme est capable de suivre, non pas ce que je dis, pardon, mais simplement être dans la vibration, cet homme pourra grandir. Mais si l'homme s'attache à ce que je dis et qu'il essaie de rationaliser ce que je dis, il va continuer à maintenir en lui la mémoire de l'âme, même s'il est plus intelligent que les autres. Il n'y a pas de jeu dans l'énergie indifférenciée. L'énergie indifférenciée est sa loi. L'énergie indifférenciée est sa loi. Elle est sa loi. Alors, cette loi, elle s'applique, l'homme la vit lorsqu'il est dedans. Et de cette loi, il compose toutes les autres. Mais si l'homme se laisse imposer une loi quelconque, à cause de sa filiation avec le mental et l'émotionnel, à cause de son lien avec les mémoires de l'âme, quel que soit son niveau d'intuition ou quel que soit son niveau d'érudition, il se pendra par la corde qui lui sera donnée de ses pieds. Je ne peux pas empêcher les hommes de se pendre. Mais je peux leur indiquer qu'il y a la corde. Le monde de la mort, le monde des morts, le phénomène de la mort, le phénomène de la mortalité est un phénomène qui n'est valable que pour les animaux, les plantes et le minéral. Le minéral vit la mort par transformation. La plante vit la mort par désintégration et l'animal vit la mort par extinction. L'homme incomplet vit la mort par putréfaction. Et l'homme, l'immortel, l'homme de demain, ne vivra pas la mort. Et tant que l'homme ne vivra pas la mort, tant que l'homme ne sera pas arrivé au stade où il aura la capacité d'élever les vibrations de son corps matériel, la civilisation ne sera pas sécure et l'homme ne pourra pas être créateur au niveau de la civilisation et il ne pourra pas comprendre les mystères inouïs du cosmos. Donc, l'homme sera rien. Il sera simplement une créature et tant que l'homme sera une créature, il souffrira les lois de toutes les créatures. Et la loi fondamentale primaire de toutes les créatures, c'est la mort. Imaginez-vous lorsque vous avez une pensée dans la tête. D'où vient cette pensée? Et vous comprendrez jusqu'à quel point le monde de la mort est près de là. Imaginez-vous que chaque fois que vous n'aurez pas la tête vide, que vous subissez une influence quelconque venant de ce monde-là, et vous comprendrez le pouvoir de la mort sur l'homme et le pouvoir de l'âme sur l'homme. Et un jour, vous serez suffisamment conscient. Vous serez suffisamment dans l'énergie indifférenciée de la conscience pour ne jamais être influencé à quelque niveau dans le mental ou l'émotionnel par ce que vous recevrez de ces plans-là. À ce moment-là, vous vivrez de belles vies. Vous serez bien dans votre peau tout le temps. Et vous n'aurez qu'à attendre les moments dans la vie où il sera décidé que vous passiez d'un plan à un autre. Il ne doit pas y avoir d'échange entre l'homme mort et l'homme vivant, ou le mort mort et le mort vivant. Il ne doit pas y avoir d'échange. Il ne doit y avoir aucun échange. Souvent, les gens me disent dans des séminaires parce qu'ils sont un peu fâchés ou ils sont affolés de la condition de l'évolution. Et ils me disent, pourquoi l'homme est descendu dans la matière? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Alors, je leur réponds, selon le cas. Mais la question n'est pas là. Le fait est que l'homme, dans le matériel, a le pouvoir, un jour, d'être à la fois sur tous les plans de vie, c'est-à-dire être capable de continuer à volonté la coexistence entre la conscience de son matériel, de son vital, de son émotionnel et de son mental, avec d'autres énergies qui sont le soutien même de la création. Alors, ce n'est pas une condition inférieure, ce n'est pas un mal que l'homme soit dans le matériel, que l'homme ne soit pas sur des plans supérieurs. Au contraire, c'est une condition extrêmement favorisante et extrêmement favorisée parce que ça permet à l'énergie indifférenciée de se manifester dans une conscience que nous appelons inférieure, qui est celle de l'homme, mais qui donne à cette conscience inférieure une capacité de se conscientiser à l'infini. Ce que l'homme doit le plus faire attention, c'est de rationaliser son existence, de rationaliser sa vie. L'homme doit apprendre à vivre sa vie selon les lois qui lui sont expliquées dans l'instruction, mais selon les modes, selon les capacités qui lui sont personnelles au fur et à mesure qu'il avance dans la compréhension des lois de cette énergie. Tous les hommes doivent vivre leur vie selon leur propre mode d'expression. Mais ce mode d'expression est toujours universel lorsque deux hommes sont dans la même énergie. Et c'est très important parce que dans les années et les générations qui viendront, les hommes qui seront de la même énergie seront forcés, à cause des lois de cette énergie, de se rencontrer, de vivre en relation les uns avec les autres, d'exploiter en relation les uns avec les autres les vastes domaines de la conscience universelle. Alors l'homme ne peut plus continuer sur le plan matériel à être exploité par des forces qui se nourrissent de lui, qui lui donnent l'impression que c'est lui qui pense, qui lui donne l'impression que c'est lui qui fait telle chose, lorsqu'en fait ce sont ses forces qui le manipulent et qui lui donnent la densité de son caractère et la qualité changeante de son tempérament. Ce qui nuit constamment à son intelligence, ce qui lui enlève la sécurité, ce qui lui enlève le roc de la sécurité, parce qu'il existe définitivement dans la vie de l'homme, sur le plan matériel, dans la forme matérielle, un roc. Et ce roc est la fondation même de sa conscience. Et le début de sa vie. Et un homme, à un certain moment dans sa vie, doit le sentir, ce roc. Il doit sentir cet aspect de lui-même qui est indestructible, inébranlable. Et tant que l'homme n'a pas senti cette condition de vie extrêmement stable, inchangeante, imperturbable dans le mental et dans l'émotion, il ne peut pas se dire qu'il est heureux dans la vie ou qu'il est bien dans la vie. Et si par moment il est heureux ou qu'il est bien, ce sera des moments qui lui sont encore donnés d'en haut, mais qui ne servent qu'à allonger le terme de sa mort matérielle. Je vous ai parlé ainsi ce soir parce que je veux commencer à faire comprendre les nuances de ma pensée. Je veux commencer à faire comprendre les nuances de ma pensée. Et c'est dans les nuances de ma pensée que l'homme découvrira les aspects de la sienne. L'homme ne peut pas comprendre les nuances de ma pensée tant qu'il n'est pas dans la vibration de sa propre intelligence. Mais il peut comprendre les aspects de la sienne. Et lorsqu'il aura compris les aspects de sa propre pensée, il commencera à s'avancer dans sa propre intelligence. Et à ce moment-là, les nuances de ma pensée disparaîtront et il sera dans la même intelligence, dans la même vibration. Il sera facile pour lui de parler avec moi comme il sera facile pour moi de parler avec lui. Et les deux, nous pourrons parler ensemble et nous écouter alors que l'autre parle ou parler alors que l'autre écoute. Mais jamais, jamais plus perdre de l'énergie à essayer de rationaliser ce que l'on dit pour le bénéfice de notre propre écoute.